こんばんは。これ以上世間がひどくならない、その時に起こる出来事はそれ以上にひどい。マーフィーの法律、起こることは起こる。それが

Et ouais, encore une fois. Alors tous les mercredis juin, on se croira une séance de voguing, c'est n'importe quoi. Vas-y, je vogue, tu vogues, je lance les bras en l'air, tout va bien. Ça, c'est des trucs aquatiques pour faire venir notre poisson. sais pas ce que vous en pensez, mais là, Garnier l'assure. Hein. C'est très très bien ce qu'il passe. 98.2.